L'injection d'un code génétique, une expérience sur l'humanité? Entretien avec le docteur Karim Adey. S'il n'y a pas de consentement éclairé, nous devons tout arrêter et mettre un moratoire. Je n'ai jamais encore entendu des patients dire qu'on leur a dit qu'ils faisaient partie d'une expérimentation en direct. Je ne les ai jamais entendus dire qu'il y a un risque d'anomalie congénitale. De sorte que Pfizer vient d'admettre qu'ils ne devraient pas avoir de relations sexuelles non protégées. Aucun d'entre eux ne le savait. Ils ne connaissaient pas cette allergie au polyéthylène glycol. Est-ce qu'ils y sont allergiques? C'est un risque de choc anaphylactique parmi d'autres problèmes qui peut provoquer une coagulation du sang. Il peut donc avoir une propension accrue de coagulation dans votre sang si vous avez déjà d'autres facteurs de risque. C'est la raison pour laquelle nous assistons à une augmentation de problèmes cardiovasculaires. Mais tout n'est pas négatif. L'Institut HeartMath a étudié nos cœurs, qui sont l'organe le plus puissant de notre corps. L'énergie électromagnétique du cœur est 100 000 fois plus puissante que notre cerveau. C'est incroyable. Et si vous réunissez une douzaine de personnes qui puiseraient dans cette énergie du cœur, cette énergie d'amour, imaginez les changements qui pourraient survenir. Nous voici de nouveau avec le docteur Karim Adey. Docteur Adey, nous sommes très reconnaissants de vous avoir de nouveau parmi nous avec la TV pour cette interview. Merci Dani, c'est avec plaisir que je suis de retour avec vous. Pourriez-vous commencer par un petit synopsis ou une biographie professionnelle afin que les téléspectateurs aient quelques informations sur vous? Oui, j'ai obtenu mon diplôme de médecine en 2001 à Kansas City, dans le Missouri. Je suis médecin interne. J'ai dirigé mes propres cliniques et ai été directrice médicale de deux cliniques différentes et également médecin traitant pour des étudiants en médecine pendant 8 ans. Maintenant, je passe mon temps à parler en public et à essayer d'informer les gens sur les vaccins et le paradigme actuel avec le COVID-19. Eh bien, allons droit au but. Parlons de ces vaccins. Il y a eu un déploiement aux États-Unis sur 10%, 15% de la population. Je sais qu'en Israël, c'est environ 30 ou 40%. La question est, avant d'entrer dans les détails, de voir en gros ce vaccin à ARN. J'ai entendu dire qu'on ne peut même pas appeler ça un vaccin, car les industries pharmaceutiques n'ont pas déclaré que ce vaccin prévenait l'infection ou la transmission. Or, il faut en quelque sorte avoir ces deux choses, ou l'une d'entre elles, pour prétendre que c'est un vaccin. Que dites-vous de cela? Je suis d'accord. Cela ne ressemble à aucun vaccin jamais produit auparavant. Les gens devraient savoir que le virus est dans un vaccin normal. Le virus même, l'organisme vivant ou mort, qu'il y a également d'autres toxines dans la solution qui seraient ensuite injectées dans votre corps. Et l'idée, c'est que c'est une version amoindrie de ce qui vous rendrait malade, afin que votre corps puisse apprendre à le combattre à l'avenir sans en être submergé. Cette fois, ce n'est pas le cas. Ils n'ont jamais honnêtement isolé l'organisme dans son intégralité. Le CDC a admis cela et 5 pays différents également. Étant donné qu'ils n'ont jamais pu isoler cet organisme dans son intégralité chez le patient malade, ils ont pris des morceaux du matériel génétique et ont ensuite rempli les blancs avec un programme recombinant ou un programme généré par un ordinateur. C'est donc un code qu'ils utilisent. Ils doivent donc injecter un code à l'intérieur de vous. Le code est en fait injecté à l'intérieur de la personne et on suppose que notre corps va être amené à fabriquer une partie du virus. Pas le virus en entier, mais seulement une partie. C'est donc complètement différent. Nous n'injectons pas le véritable organisme, nous injectons un code dans l'humain et le corps humain sera amené à fabriquer une partie d'un virus. Donc, au lieu de vous empêcher de fabriquer le virus, votre corps est encouragé à fabriquer une partie du virus. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en sciences pour voir qu'il y a un danger. Nous n'avons jamais encore utilisé cette technologie à grande échelle sur la population humaine. C'est la première fois que nous faisons cela. Et vous avez tellement raison de dire qu'il n'y a pas encore de données pour dire que cela empêchera toute transmission. Vous pouvez toujours être contagieux même après avoir reçu le vaccin. Il n'y a que deux résultats, deux choses que les fabricants de médicaments disent que ces vaccins peuvent faire. Ils disent qu'ils pourraient éviter un test PCR positif et éviter un symptôme. C'est tout. Et ils disent qu'ils supposent que cela pourrait fonctionner pendant environ 2 mois après la deuxième injection. Nous ne savons pas, car une fois de plus, Nous sommes actuellement en plein dans une expérimentation en direct. Je pensais qu'ils attaqueraient au moins plus d'un symptôme, mais c'est tout ce qu'ils prétendent, que cela peut juguler un symptôme. Et j'ai entendu dire que... Je veux dire, n'ont-ils pas dit avant ça qu'en général, les porteurs asymptomatiques ne transmettent pas le virus à quelqu'un d'autre? Mais ce que ce vaccin pourrait faire alors, c'est que s'il atténue ce symptôme, alors maintenant on pourrait avoir des porteurs asymptomatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Vous soulevez certainement de très bons points et ceux-ci n'ont pas été abordés ni n'ont donné lieu à des réponses. Et ce sont des choses dont nous devons parler et évoquer parce que nous expérimentons avec nos vies. Et on ne peut pas seulement dire, d'accord, nous avons reçu un mauvais vaccin contre la grippe, nous ne recommencerons pas, cela n'a pas fonctionné, ou cela a rendu certains d'entre nous malades. Nous parlons maintenant d'une modification génétique, et même si les fabricants de médicaments disent que c'est temporaire, ils ne le savent pas parce que, rappelez-vous, nous sommes en plein dans une expérimentation. La première expérimentation doit s'achever fin octobre 2022, la deuxième en 2023. Vous n'êtes donc ni plus ni moins le rat de laboratoire, le cobaye. Donc ils ne savent pas, il faudra avoir des années de recul et ensuite examiner votre code génétique pour voir s'il était permanent ou temporaire. À nouveau, c'est ce qu'une recherche appropriée devrait faire. Nous ne faisons rien de tout cela, mais nous le supposons. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Le problème est que grâce à la science et au fonctionnement de notre corps, nous savons que lorsque vous insérez un code à l'intérieur du corps comme ça, il est possible qu'il soit absorbé dans le noyau. Une fois qu'il est à l'intérieur, il pourrait être repris dans notre génome, notre code génétique permanent, et y rester continuellement. C'est un potentiel et une possibilité dont nous devons tenir compte. Ok, parlons de ce code. Pouvez-vous nous expliquer les aspects de ce vaccin modifiant les gènes? Et quand Moderna dit que leur technologie d'ARN messager est le logiciel de la vie, de quoi parle-t-il exactement? Eh bien, encore une fois, nous fabriquons un vaccin de façon inhabituelle. Un code est mis à l'intérieur de votre corps, c'est recombinant. Il y a une partie naturelle et une partie synthétique, synthétisée, donc un code génétique. Et ce qu'ils font, c'est l'envelopper avec des nanoparticules lipidiques. C'est de la nanotechnologie. La nanotechnologie est là pour s'assurer que le code génétique passe au-delà des défenses de votre corps, car normalement, votre corps tuerait ce genre de choses immédiatement ou le désintégrerait. Ainsi, il passe au-delà des défenses dans votre cellule, puis incite votre cellule à créer ce code qui est précisément la protéine de pointe ou une partie du virus. Des fragments du virus vont alors se répandre à l'intérieur de votre corps. L'idée est que si votre corps voit une partie du virus, il peut alors dorénavant apprendre à le combattre. Mais nous ne le savons pas et nous sommes tous si différents. Le système immunitaire de certaines personnes en produira beaucoup, certaines un peu, d'autres pas du tout. Nous ne le savons pas. Et puis nous devons examiner ce code. Le code est très préoccupant parce que nous avons identifié certaines choses à l'intérieur qui devraient nous dire « attendez et écoutez ceci ». Tout d'abord, 18 sous-unités du VIH1 ont été trouvées dans un code, le code génétique. Ils affirment que cela ne permettra pas au corps de développer le VIH ou le sida, mais nous ne le savons pas car en Australie, ils ont admis qu'après avoir reçu ce vaccin à ARN messager, certaines personnes ont été testées séropositives pour le VIH. Ils ont dit que c'était un faux positif, mais nous ne le saurons pas avant des années. Nous ne saurons pas si c'est vraiment positif au VIH avant longtemps. En Australie, ils sont allés de l'avant et ont injecté $1 milliard dans ce vaccin, puis ils ont arrêté. Cela signifie donc qu'ils sont préoccupés. L'autre problème, c'est qu'il y a une séquence, une partie du code qui est identique aux composants qui sont naturellement dans notre corps. L'un d'eux est le chromosome 8. Une partie d'un code est identique à notre chromosome 8. Votre corps apprendra par conséquent à attaquer tout ce qui se trouve dans un code, notamment votre chromosome 8. C'est l'intelligence et la fertilité. Je pense que c'est assez important. Nous n'en connaissons pas les effets à long terme. L'autre chose, c'est qu'il y a une protéine appelée syncytine qui est dans le code et qui se trouve sur le placenta utérin de la femme. Cela signifie donc qu'au début d'une grossesse, il est possible que votre corps apprenne à attaquer le placenta, donc deux dommages potentiels sur notre fertilité. Nous devons vraiment être prudents car nous sommes en train de jouer avec les gènes, le code génétique. Oui, à propos de la fertilité. J'ai vu il y a des mois une étude de l'université à Oklahoma. Je pense que c'était ça, qui disait que les hommes devraient faire congeler leur sperme avant de se faire vacciner. Oui, vous avez raison. Pfizer dit que vous n'êtes pas censé avoir des relations sexuelles non protégées pendant 28 jours après vos injections. Que se passe-t-il le 29e jour? Ils disent qu'il existe un risque de malformation congénitale. Ils l'admettent déjà? Cela signifie qu'il se passe quelque chose avec ces vaccins. Mais comment savez-vous que le 28e jour, vous vous abstenez, et ensuite pour le 29e jour, c'est OK? On ne sait pas, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est comme si vous pouviez prendre juste là un incident sur des centaines qui devrait annuler toute l'expérience. Qu'est-ce que je dois dire à ma fille si son université dit « Voilà, vous allez avoir besoin du vaccin » et ensuite je lui fais remarquer que le fabricant du vaccin lui-même dit que cela pourrait causer des anomalies congénitales. Et nous ne pouvons pas simplement supposer qu'après 28 jours, c'est la catastrophe. Je veux dire que nous sommes dans un monde fou. Je suis d'accord avec vous. Je n'ai jamais vu autant de frivolité et d'insouciance en médecine. Et ce n'est pas comme s'ils disaient qu'il n'y a pas de risque. Ils disent qu'il y en a, mais ils disent que c'est pour le bien de tous parce que nous sommes toujours sous le coup de la loi sur la protection civile. Partout dans le monde, la plupart des pays sont toujours en situation d'urgence, dans un sens ou dans l'autre. Et au nom de cette urgence, ils peuvent contourner tous les freins et contreparties que nous avons normalement pour la sécurité des médicaments. Les gens s'attendent donc à ce que ce vaccin soit comme tous les autres vaccins, mais ils ne le sont pas. Il n'y a absolument rien qui confirme que c'est sûr et efficace, car encore une fois, l'expérimentation n'est pas encore terminée. Nous sommes l'expérimentation. Oui, c'est différent. Vous savez, je vis ici au Japon. Ma fille est à un an du lycée. Je l'ai envoyée en Amérique pour faire un an à l'étranger. Et il se trouve que c'est en Californie que le calendrier de vaccination est très extrême pour les étudiants. Vous le savez probablement. Et elle avait déjà reçu tous ses vaccins au Japon, et j'ai pensé que c'était probablement suffisant. Comme vous pouvez le voir, elle a reçu ses vaccins. Mais le calendrier de vaccination ici est bien plus léger. Alors, je suis allé voir un médecin local et je lui ai demandé, « Que recommandez-vous ? » C'était un type ordinaire. Il a dit simplement, « Oh, peu importe le document. » Vous devrez probablement suivre ce que disent mes collègues en Californie. Et j'étais un peu... Je me suis dit que je n'avais pas bien fait mon travail. Mais ce coup-ci, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, c'est un vaccin expérimental et je ne recommande à personne de le prendre tant que toutes les preuves ne sont pas disponibles. Donc ce type est un genre de type pro-vax grand public. Écoutez les experts, mais à propos de ce vaccin, il dit, attendez. Je félicite d'avoir pris la parole, car c'est ce qu'un bon scientifique et un bon médecin sont censés faire. Vous savez, pensez à vos patients. Les avantages doivent l'emporter sur les risques et jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. J'aimerais rappeler aux gens qu'il ne s'agit pas seulement de modifications génétiques, mais de cette nanotechnologie, cette nanoparticule lipidique qu'ils mettent à l'intérieur des gens, c'est aussi nouveau pour la race humaine. Nous produisons une autre nouvelle technologie inédite et c'est très inquiétant parce que nous savons qu'il existe un ingrédient appelé polyéthylène glycol parmi d'autres dans la nanotechnologie. Et on estime que jusqu'à 70% des Américains en sont d'une certaine façon allergiques. Une allergie pourrait se traduire par de la fatigue ou une éruption cutanée, ou cela pourrait être quelque chose d'important comme un choc anaphylactique. Nous en voyons beaucoup. Les gens meurent ou doivent être réanimés quelques minutes à quelques heures après cette injection. Les médias grand public ne vous le disent pas. C'est pour moi jouer à la roulette russe. L'autre chose est le consentement éclairé. Nous devons toujours faire un consentement éclairé, même dans une situation d'urgence. C'est dans le code de Nuremberg de la Seconde Guerre mondiale, afin que les atrocités de cette guerre mondiale précédente ne soient pas répétées. S'il n'y a pas de consentement éclairé, nous devons tout arrêter et mettre un moratoire. Je n'ai jamais encore entendu des patients dire qu'on leur a dit qu'ils faisaient partie d'une expérimentation en direct. Je ne les ai jamais entendus dire qu'il y a un risque d'anomalie congénitale. De sorte que Pfizer vient d'admettre qu'il ne devrait pas avoir de relations sexuelles non protégées. Aucun d'entre eux ne le savait. Ils ne connaissaient pas cette allergie au polyéthylène glycol. Est-ce qu'ils y sont allergiques? C'est un risque de choc anaphylactique parmi d'autres problèmes qui peut provoquer une coagulation du sang. Il peut donc avoir une propension accrue de coagulation dans votre sang si vous avez déjà d'autres facteurs de risque. C'est la raison pour laquelle nous assistons à une augmentation de problèmes cardiovasculaires. Maintenant, vous parlez de mourir après avoir reçu le vaccin. Vous êtes en Géorgie, donc je suis sûr que tout le monde connaît le cas de Hank Aaron, la célèbre légende du baseball, décédé environ 18 jours après avoir reçu le vaccin. Et vous avez raison, personne n'en parle. Les médias ne pouvaient pas ne pas être au courant. Et donc, bien sûr, la réponse est naturellement à cause des comorbidités, n'est-ce pas? Mais la question de la comorbidité avait été complètement ignorée par les personnes qui disent que les décès par COVID sont dus à des comorbidités. C'est pratique pour eux de l'utiliser dans cette situation, mais pas pour l'autre. Eh bien, il y a même un communiqué de presse disant que nous devrions nous attendre à ce que les gens qui sont dans les centres d'aide à l'autonomie ou dans les maisons de retraite peuvent mourir rapidement après avoir été vaccinés, mais qu'il n'y aura pas lieu de s'inquiéter, ce ne sera pas vraiment à cause du vaccin. C'est juste parce qu'ils sont vieux. C'était en fait une déclaration publique prononcée par l'un des représentants du gouvernement. J'étais horrifiée de lire ça et que les gens le croiraient. Et les gens sont à palliatif, les patients dans les hospices reçoivent le vaccin, ils meurent de toute façon. La bonne excuse est qu'ils ne veulent pas qu'ils la propagent à d'autres. Quoi qu'il en soit, les personnes en hospice sont de toute façon isolées. C'est terrible, je ne comprends pas ça. Maintenant, je pense que ce n'est seulement compréhensible que dans le contexte d'un plan plus vaste et plus sournois. Je suis d'accord avec vous. Pour nous tous, avoir, je veux dire, même si vous demandez par exemple à un super provaccin qui est totalement convaincu que les nouvelles de 19h lui donnent l'information en direct, si vous demandez à quelqu'un, dites-moi, comment tout cela va se terminer? Je veux dire qu'ils ne peuvent pas ne pas dire que cela mène à des passeports vaccinaux et à un suivi, une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous indiquant où nous pouvons aller. Montrez-moi vos papiers, etc. N'est-ce pas? Ils ont déjà annoncé en Israël que ceux qui ne se feront pas vacciner ne peuvent aller qu'au supermarché et à la pharmacie. Ils ne peuvent faire rien d'autre. Ils ne peuvent quitter leur domicile pour aucune autre raison. Mon Dieu. Je veux dire que ce n'est pas qu'un seul pays. Les gens doivent se réveiller et voir comment ces restrictions se produisent dans le monde presque au même rythme, à la même vitesse. Et puis regardez, les gens doivent arrêter d'avoir peur, parce que la peur les pousse à accepter ces demandes et ces protocoles insensés qui n'ont aucune logique scientifique ni médicale, ou simplement, pour ainsi dire, qui manquent de bon sens. Et s'ils réfléchissaient et qu'ils arrêtaient d'avoir peur, je pense que rapidement, ils verraient que cela n'a rien à voir avec un virus, cela n'a rien à voir avec ça. Il y a un programme plus vaste en cours, un programme mondial, et en fait, nous avons, vous savez, des dirigeants mondiaux comme Boris Johnson qui en parlent, disant qu'il y a un programme qu'ils veulent réaliser d'ici 2030. Ray Kurzweil, Neil deGrasse Tyson, vous voyez, ces autres personnes dans différents domaines disent la même chose. La date butoir est 2030 pour que nous tous dans le monde soyons intégrés dans un mouvement transhumaniste qu'ils ont appelé ID 2020. Ils sont un peu en retard, mais quoi qu'il en soit, c'est pour nous connecter à l'Internet des choses. Cela signifie que nous serions notre propre petit téléphone portable mobile. Par exemple, nous pourrions faire un tour et notre corps communiquerait avec n'importe quel appareil intelligent autour de nous. C'est le vrai plan. Allez tout le monde, réveillez-vous. Si vous commencez à prêter attention, vous verrez que c'est vraiment de cela dont il s'agit. Il s'agit de nous utiliser comme un bien, comme un objet, et nous ne sommes plus rien aux yeux de certaines personnes qui manipulent les manettes. Et ce que je trouve incroyable, c'est que personne, il n'y a rien, aucune effusion de sang, personne n'a pointé une arme sur la tête de qui que ce soit. Il leur dit simplement, mettez le masque, mettez-en deux, mettez-en trois. Vous savez, obéissez à ces mesures draconiennes. Vous ne pouvez pas chanter, vous ne pouvez pas danser, vous ne pouvez pas célébrer ni prier, vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Et les gens obéissent sans rien remettre en question. Et cela va à l'encontre de nos droits de l'homme et de nos droits constitutionnels. Et nous n'en parlons pas pour la plupart. Je suis vraiment bouleversée de voir comment les gens, nos ancêtres, nos aïeux se sont battus, sont morts et ont subi de terribles atrocités pour notre liberté. My God, World War II was just yesterday. Look at what happened. Mon Dieu, la Seconde Guerre mondiale s'est passée hier. Regardez ce qui s'est passé dans le monde. Nous ne devons jamais l'oublier. Et maintenant, nous abandonnons sans discuter ces formidables libertés pour lesquelles ils sont morts, pour nous, et les laissons simplement partir sans conversation ni dialogue. J'en suis très contrarié. Moi aussi. Et vous parlez d'accroître la peur. Je pense que de nous mettre dans un tel état de confusion augmente la peur, et quand nous voyons quelque chose comme le gouverneur de Californie en train de dîner avec ses amis dans un restaurant, ou le directeur de la santé en Angleterre marcher vers le parc sans masque, profitant de l'air frais, ma première impression a été que c'est une mauvaise presse pour eux. Mais j'arrive à penser qu'ils le font exprès. Et aussi ces signaux contradictoires sur ce que nous sommes censés faire. Les masques ne fonctionnent pas. Oui, ils fonctionnent. Un masque, pas deux, peut-être trois, deux, et ensuite. Je veux dire que Fauci arrive une semaine après avoir dit « Mettez-en deux ». Et il dit « Non, ce n'est pas vraiment nécessaire ». Tout à fait. Et ils doivent savoir ce qu'ils font. Ce type doit avoir des conseillers qui lui disent ce qu'il doit dire. Je pense donc que les messages contradictoires font partie du plan de nous rendre fous. C'est une guerre psychologique. Quiconque est intéressé de s'informer et lire à ce sujet, vous verrez la dissonance cognitive. Vous dites le double langage, n'est-ce pas? Vous dites une chose et vous en faites une autre. Dites une chose, allez à l'encontre le même jour. Et c'est un moyen idéal de vraiment brouiller le mental des gens. Et c'est mieux que de leur répéter une chose encore et encore. Il vaut mieux leur dire une chose, puis en faire une autre et vice-versa, tu comprends? Les gens ont besoin de se réveiller. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Pour moi, la Troisième Guerre mondiale a déjà lieu. Elle se produit en ce moment même, et c'est une bataille spirituelle. Et nous, c'est dur. C'est dur parce que nous ne pouvons pas vraiment le voir physiquement, mais nous devons nous réveiller et voir ce qui se passe réellement. Pour moi, c'est une bataille entre le bien et le mal. Il y a un petit groupe de gens qui veulent finalement nous asservir de manière transhumaniste pour nous contrôler électroniquement ou via l'intelligence artificielle. Et pour moi, il n'y a pas d'autre réponse, et j'écoute ces dirigeants mondiaux. J'essaie d'entrevoir le bon sens ou la raison de ce que nous faisons médicalement et scientifiquement. Je n'y arrive pas. Mais je comprends comment ils veulent que nous fassions partie du mouvement transhumaniste. Ils n'utiliseront peut-être pas le mot transhumaniste, mais ils utiliseront de nombreuses autres expressions fourre-tout du genre idée 2020, le nouvel ordre mondial ou la grande réinitialisation. Ils disent toutes les mêmes choses. Nous devons donc nous réveiller parce que dans le passé, les gens étaient physiquement réduits en esclavage. Mais pour moi, là, c'est différent. Nous pouvons être réduits en esclavage physiquement, mentalement et spirituellement. En fin de compte, si vous regardez, c'est ce qu'ils recherchent, ce qu'ils voudraient de nous. Vous l'avez bien dit, Dr Madej. Comment est-ce que les gens peuvent mieux se renseigner sur ce que vous faites, accéder à votre travail, et où voudriez-vous que les gens s'adressent pour obtenir les détails de ce genre de choses? Danny, vous savez que tout le monde est censuré au maximum en ce moment, et c'est un défi. Je suis toujours sur Twitter, Dr Madej. J'ai toujours une page Facebook, Carrie Madej. Et il y a un groupe caché qui s'appelle Serendipity Group. J'ai un site web de secours appelé serendipitygroup.org. Nous avons tous essayé de garder l'information. Cela a cependant été un défi, mais je suis tenace. Je continue à poster sur différentes plateformes, essayant de publier toutes ces informations qui sont étouffées et supprimées. Et nous passons tous par là. Il y a bien sûr tous ces noms que l'on donne pour attaquer les gens en disant que ce sont des anti-vaxxeurs. Je ne suis pas un anti-vaxxeur. Je ne fais que vous donner des informations et vous devriez avoir des informations pour votre propre gouverne et consentement. Premièrement, ne faites pas de mal. J'ai prêté serment. Avez-vous lu par hasard le formidable et irréfutable exposé de Robert F. Kennedy Jr. sur Bill Gates il y a quelques semaines? Je ne l'ai pas encore lu, non. C'est choquant. Il faut que vous le lisiez. Je vais regarder ça. Oui, mais il parlait juste de censure. Il a juste été banni de quoi déjà? Instagram. Oui, d'Instagram. Je pense que lui et Del Bigtree faisaient une vidéo en direct sur Instagram et que les deux comptes ont été fermés en même temps. Pendant une vidéo en direct? Oui, leurs pages ont été entièrement effacées. Big Brother vous regarde, non? Big Brother watching you, right? Mais vous savez, ce n'est pas entièrement négatif. Nous en discutions un peu avant. Je ne serais pas là pour en parler si je pensais que tout était négatif et qu'il n'y avait aucun espoir. Quand nous parlons de peur, nous savons tous que la peur est une tactique qui peut bien fonctionner car elle vous maintient dans une énergie inférieure. Nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes des êtres de lumière, en fait. Mais si on vous effraie avec une énergie basse, vous ne pourrez pas la combattre et vous allez simplement vous recroqueviller en une petite boule paralysée. Vous savez que l'amour, la fréquence de l'amour, a aussi une énergie. Et c'est la plus haute énergie que nous connaissons. Il y a quelque chose à ce sujet, même scientifiquement. Donc, je tire mon inspiration de la Bible, mais j'aime la science parce qu'elle prouve aussi amplement ce que dit la Bible. L'amour est une fréquence plus élevée, donc si nous nous connectons les uns aux autres et que nous ne portons pas de masque, nous ne nous déshumanisons pas nous-mêmes ni les autres, nous nous touchons physiquement, nous nous embrassons, parce que cela développe notre système immunitaire, on le sait. Nous chantons, nous dansons, des choses qui nous rendent heureux et joyeux avec amour augmentent réellement notre énergie. Et c'est un fait étudié. Le HeartMath Institute a étudié nos cœurs parce qu'ils sont l'organe le plus puissant de notre corps. Et l'énergie électromagnétique du cœur est 100 000 fois plus puissante que notre cerveau. C'est incroyable. Chez un être humain moyen, cette énergie dépasse 183 cm. Et ils pensent que chez un individu fort, elle dépasse peut-être même des kilomètres. C'est incroyable. Et si une douzaine de personnes qui sont dans cette énergie du corps, dans cette énergie d'amour se réunissaient, pensez aux changements qui pourraient alors survenir, car nous ne pouvons pas combattre la technologie de nanoscience-fiction que ces gens au pouvoir utilisent, mais qui est une faible énergie, une basse fréquence. Je crois que nous sommes faits à la ressemblance de Dieu et que si nous puisons dans cette lumière du Christ, cet esprit en nous, dans nos cœurs, et si nous pouvions juste nous rappeler qui nous sommes, qui nous avons toujours été, et que nous allumons notre étincelle intérieure et aidons nos frères et sœurs à travers le monde, en un clin d'œil, les choses iront mieux, les choses changeront. C'est un bon message d'espoir. Je vous en remercie. Pouvons-nous faire un petit jeu oui-non passe rapide? Oui. Ok, bien. Je vais vous poser 10 questions et vous pouvez dire oui, non, ou vous pouvez passer et commenter ou non. Alors, on commence? D'accord. Je vais commencer avec une question simple. Je vous ai demandé il y a 5 mois si vous alliez vous faire vacciner. Est-ce que vous avez changé d'avis? Non. D'accord. Êtes-vous encore plus déterminé ou vous l'étiez complètement à ce moment-là de toute façon? J'étais totalement déterminée à ce moment-là, donc non est toujours un non fort. Bien. Pensez-vous que l'injection que Biden a reçue à la télévision nationale contenait un vaccin? Non, je dis non. Continue. Ok, bien sûr, tu peux répondre comme tu veux. Les personnes qui ont accéléré la vaccination devraient-elles être tenues responsables des effets négatifs à long terme? Oui, absolument. Dans le contexte de COVID, est-ce un problème de laisser les enfants développer des immunités naturelles? Il n'y a rien de mal à cela, non. Et pourquoi cela n'a-t-il pas été étudié? Comme maintenant, il semble qu'il n'y ait aucun intérêt à tester les gens pour voir s'ils ont les anticorps. Ils veulent juste passer directement au vaccin. Est-ce étrange? Eh bien, laissez-moi évoquer la grippe. C'est ce qu'il y a de plus proche que nous puissions associer à ce coronavirus. Ainsi, lorsque vous êtes exposé à la grippe, vous n'avez pas besoin d'être malade. Vous devez simplement être dans l'environnement, dans la communauté. Lorsque vous êtes exposé, vous avez en fait une immunité à vie contre cette souche. Pour toujours, n'est-ce pas étonnant? Nos corps ont une immunité à vie. Mais lorsque vous recevez le vaccin contre la grippe, au mieux, s'ils choisissent la bonne souche, l'immunité ne dure que 2 à 3 mois. Et puis ensuite, il n'y en a plus. C'est pourquoi les gens disent qu'ils continuent d'attraper la grippe, car le vaccin ne dure que très peu de temps. Vous n'êtes jamais naturellement immunisé lorsque vous recevez le vaccin. Vous n'avez pas d'immunité à long terme. Votre corps est beaucoup plus sain et plus intelligent quand vous le faites naturellement. Je veux dire qu'avec mes parents, nous organisions des fêtes varicelle. Ils voulaient donc que nous soyons tous infectés par la varicelle en même temps pour être plus immunisés. Mais vous savez, le vaccin contre la varicelle est un échec. Les gens ne s'en rendent pas compte. Vous voyez, les enfants attrapent toujours la varicelle dont les symptômes ressemblent à des piqûres d'insectes. Et maintenant, nous voyons des enfants attraper le zona, ce qui est une répercussion de la varicelle. Les enfants du primaire ont un zona. On n'avait jamais entendu parler de ça lorsqu'il y avait l'immunité naturelle contre la varicelle. Le zona est très dangereux. Donc, une fois de plus, vous voyez de nombreux exemples démontrant que le vaccin est bien pire que si vous êtes naturellement exposé. Exactement. Prochaine question. Est-ce irresponsable de promouvoir pour les enfants un vaccin qui n'a pas fait l'objet d'études sur le long terme? C'est criminel. C'est vrai. Numéro 6. La COVID-19 est-il particulièrement bénin pour les enfants? Je parle pour des enfants de 0 à 18 ans, et on peut même se calquer sur leurs chiffres. En regardant toutes les données de la CDC, ils ont la meilleure immunité. Ils ont très très peu de problèmes avec ça, beaucoup moins qu'avec la grippe ordinaire, beaucoup moins. Et nous n'avons jamais confiné le monde à cause d'une grippe ordinaire. C'est vrai. Donc, négligeable. Ensuite, les enfants ont-ils subi des préjudices? Et je ne parle même pas du vaccin lui-même pour le moment, juste en dehors de cela. Des enfants ont-ils subi des préjudices à cause de la réponse du gouvernement au Covid? Bien sûr qu'ils ont subi des dommages. Je veux dire tout d'abord, leurs voies neurales sont encore en cours de développement jusqu'à 25 ans. Et quand nous générons ce genre de peur, cette panique, cela pourrait créer une voie neurale pour toujours dans leur cerveau. C'est la première chose. À propos du masque, nous savons qu'après 2 heures d'utilisation, l'oxygène baisse dangereusement. C'est terrible. Cela affecte votre concentration, votre mémoire, votre humeur, plein de choses. Nous avons en fait vu des enfants s'évanouir à cause des masques. De plus, à cause de l'isolement social, le fait de ne pas recevoir un enseignement adapté, vous ne pouvez pas donner une éducation appropriée à partir de simples réunions Zoom. Il n'y a pas de développement social quand ils ne sont pas ensemble en groupe. Ce sont des jalons cruciaux dont nous avons besoin pour le développement d'un être humain. Nous n'avons aucune idée des effets à long terme sur les enfants du monde entier qui en font l'expérience. Bien sûr. Et vous parlez d'une atteinte physique, mais aussi mentale. Nous ne savons pas l'effet que cela a sur un enfant de 3 ans de voir tout le monde dans son monde avec le visage couvert 7 jours sur 7. Eh bien, ils ont peur des autres humains. Je ne porte pas de masque autant que possible, très rarement. Et j'ai vu des parents, leurs enfants crier et pleurer de manière incontrôlée parce que je n'ai pas de masque. Ils sont si effrayés, si petits, âgés de moins de 5 ans. Ils sont si craintifs, pensant que je pourrais leur faire du mal simplement parce que je n'ai pas de masque. Et je me tiens à une distance d'eux de plus de 1m80. Et c'est l'idée, n'est-ce pas? C'est le plan, de les rendre ainsi. Question suivante. Les personnes qui ont réclamé et imposé les mesures qui ont nui aux enfants devraient-elles être tenues responsables de ce préjudice? Tout à fait, c'est criminel. Ce sont des crimes contre l'humanité. La question numéro 9. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous communiquer? Mais je crois que vous nous en avez déjà donné. La question numéro 10 sera rapide. Pouvons-nous gagner cette bataille? Absolument. Nous savons déjà qui gagne à la fin. L'amour, Dieu et le fait d'être bon gagnent. Nous triomphons toujours du mal. Je souhaite juste que nous n'attendions pas la 11e heure pour nous réveiller. Tout à fait. Oui. Eh bien, Dr. Madej, c'était super. Merci d'être venu et je vous souhaite le meilleur dans votre combat. Merci de le continuer. Oui, merci Danny. C'est toujours un plaisir de parler avec vous.